Micro ouvert. Ça n'est pas un métier peinard de faire travailler les gens. J'ai même lu dans un canard que c'est l'un des plus fatigants. Si c'est vrai, soyons grands seigneurs, on n'a qu'à les débarrasser. Plus besoin d'avoir d'employeurs quand on est tous des salariés. Salaire à vie. Il nous faut relancer l'emploi, disent-ils à la télévision. Même sur les tracts des syndicats, c'en est une vraie religion. Moi, ce que j'aime, c'est le jardinage, et pour ce qui est de jardiner, depuis que je suis au chômage, j'ai jamais autant travaillé. Salaire à vie. Salaire à vie pour l'immigré qui a fait l'effort de venir ici. Si le droit du sol est institué, plus besoin de toute cette paperasserie. Et pour les travailleuses du sexe, puisqu'on nous dit que c'est leur choix, on verra combien il en reste avec 1500 balles par mois. Salaire à vie. Adieu McDo, adieu Uber, adieu Mittal et Sanofi. Si tu veux cuire des hamburgers, t'auras qu'à ouvrir ton boui-boui. Il me semble qu'il sera pas bien sorcier de faire que le monde soit meilleur si l'on travaille à notre idée, sans l'aval de nos grands seigneurs. Salaire à vie. Et les poubelles, qu'en fera-t-on si l'on reçoit tous un salaire? Est-ce que tu te poses la question chaque fois que tu passes la serpillière? Et si c'est mon tour trois fois l'an, c'est quand même pas la mer à boire. Ça me fera rencontrer des gens, moi je veux bien conduire le camtar. Salaire à vie. Et qu'on file pas un revenu de base à 450 balles par mois. Parce que le revenu de base, les capitalistes. Salaire à vie. D'abord, je remercie Iconosphère. Grâce à Iconosphère, eh bien, cette rencontre a pu se faire. Merci encore, Iconosphère. Vous verrez tout de suite ce qu'est Iconosphère. Mais avant, j'avais envie de réfléchir sur cette création de richesse. Il y en a qui disent, qu'est-ce que c'est la création de richesse? Ben, ce sont les entreprises qui créent de la richesse en faisant des profits qui sont ensuite redistribués aux employés, salaires, aux actionnaires, dividendes ou à l'État, taxes et impôts. Et puis, il y en a d'autres qui disent, qui crée la richesse? C'est une question centrale, qui crée la richesse? Nous, on considère que ce sont les travailleurs qui créent la richesse. Et donc, il est normal que l'on se réapproprie ce que l'on a créé. Ça, c'est le principe de base. Donc, Iconosphère, dont je suis coordinatrice avec Bruno Borin, c'est un réseau de chercheurs issus des mondes académiques, syndicaux et associatifs. Et son objectif est double, à la fois promouvoir des alternatives et des courants qui s'opposent à la pensée néolibérale dominante, mais aussi, en particulier, puisque c'est Iconosphère, ramener les questions économiques à l'intérieur du débat démocratique. Et c'est bien ce que nous ferons ce soir avec l'organisation de cette rencontre. Donc qui va permettre de lancer le débat sur les enjeux du salariat et les perspectives à venir. Donc deuxième réseau organisateur, c'est le réseau Salariat Belgique. C'est une association d'éducation populaire qui réunit des travailleurs de tous les horizons, des syndicalistes, des retraités, des chômeurs. Enfin, je dis des retraités parce que ça a été initié, des pensionnés, ça a été initié en France. Et donc, à Belgique, la locale se trouve à Liège. À Bruxelles et à Liège. Et donc, c'est vraiment des travailleurs et travailleuses au sens large, chômeurs, parents, étudiants, au sens large, au sens surtout de la définition de Bernard Friot, qu'il définira tout à l'heure.